que t'as besoin de moi. Si j'ai besoin, tu seras là. J'ai une vie de fugitif depuis un moment, faut que tu me crois. Il me semble que c'est lire, mais c'est pas lire entre les lignes. Et c'est comment danser, l'effet que ça fait. Ouais, j'suis pas comme les autres potos, j'suis sophistiqué. Léger, car j'suis un chat de CLG. Mais j'peux quand même descendre le jack dans Blue Blue. J'suis un autre genre de thug. J'ai des vampires dans la nuit, ouais, toujours dans le pieu. Un petit thé au réveil, marqué focus sur le mug. Prêt à l'action, donne le lieu. V'là les hop, j'les wet, tiré des plug. Dis-moi que tu m'aimes, dis que tu mentiras pas. Dis que t'as besoin de moi, si j'ai besoin, tu seras là. J'ai une vie de fugitif depuis un moment, faut que tu me crois. Il me semble que c'est lire, mais c'est pas lire entre les lignes, j'crois. C'est pas lire entre les lignes. C'est pas qu'elle a marché sur une mine. Reste un demi-cœur, les bien toi court de vie. Reste un demi-cœur, les bien toi court de. Dis-moi que tu m'aimes, dis que tu mentiras pas. Que t'as besoin de moi, si j'ai besoin tu seras là. J'ai une vie de fugitif depuis un moment, faut que tu me crois. Il me semble que c'est lire, mais c'est pas lire entre les lignes, j'crois. C'est pas lire entre les lignes. C'est pas qu'elle a marché sur une mine. Reste un demi-cœur, les bientôt à court de vie. Reste un demi-cœur, les bientôt à court de. C'est pas lire entre les lignes. C'est pas qu'elle a marché sur une mine.